Les petites histoires de Tell Me. Pour cette histoire, mélangez un rebord de cheminée, un cactus, des rayons de soleil et vous obtiendrez un ami piquant. Posé au bord de la cheminée, il se tient fier et droit. Malgré ses centaines de petits picots qui lui donnent un air désagréable, il est vraiment mignon. Peu après être entré chez nous, il a pris plusieurs centimètres. Sa peau du haut est devenue plus claire, formant un joli dégradé comme un arc-en-ciel tout vert. Mais très vite, il s'est penché vers la fenêtre, comme s'il cherchait à s'enfuir. Maman m'a rassurée en me disant qu'il cherchait de la lumière pour se sentir mieux. Et il a dû y arriver, parce que des bébés cactus sont sortis de terre les uns après les autres. Aujourd'hui, ils sont 10, tous de formes et de tailles différentes, comme une joyeuse bande avec les grands qui commencent à avoir des picots et les petits qui les regardent. Je me demande si d'autres vont bientôt les rejoindre.